ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل الضلالة في النار. فإننا إن شاء الله تبارك وتعالى وفي هذه الأمسية نستضيف أخونا الفاضل المكرم الشيخ عبد الرحمن كولو، بارك الله فيه، ونستقبله إن شاء الله تبارك وتعالى في كل شهر، في كل بداية شهر فإننا نستقبل الشيخ يعني عبد الرحمن كولو لإلقاء يعني الدروس في هذا المسجد، خاصة للإخوة الذين لا يفهمون اللغة العربية. ولا شك أن الأمة تمر بمراحل عصيبة وتتخبط في نكبات، ولعل لهذه الأمور التي تحدث للأمة الإسلامية هناك أمور أوصلت الأمة الإسلامية لهذا التخبط، ولعل من بين الأسباب التي نتخبط فيها هو عدم الاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثر المتشدقون وكثر المبطلون الذين يقدحون في السنة، وبالأخص يقدحون في منهج أهل السنة والجماعة. لذلك حتى لا أطيل عليكم وأفسح المجال لأخينا الشيخ عبد الرحمن لإلقاء هذه المحاضرة، وسوف يعرفنا، وهذا السؤال كثيرا ما كنت أسأل، كثيرا ما كان يطرح علي هذا السؤال، كثرت الجماعات وتعددت الفرق والحل، فما هو المنهج الذي يجب علينا اتباعه؟ ما هو الطريق الذي يجب علينا اتباعه؟ كثرت الطرق والفرق والجماعات، وكل يدعي وصل لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، كل جماعة وكل حزب وكل فرقة إلا وتدعي أنها على الحق، لكنها على منهج من؟ وعلى طريق من؟ على طريق الهوى، يمشون على طريق الهوى ويتركون منهج السلف الصالح، منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلعل هذا السؤال الذي سوف يجيبه علينا الأخ عبد الرحمن بارك الله فيه، وسوف نتدارس معه رسالة وهي للشيخ، استسمحك، وهي للشيخ الشيخ عبد الله البخاري، من مشايخ المدينة، من مشايخ السنة الذين يذبون عن السنة ويدافعون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة ما هي؟ السلفية. كثير من الناس يعني يأنف ولا يحب سماع هذه الكلمة، معنى السلفية. هذا يعني ما سنسمعه من أخينا الشيخ عبد الرحمن كولو إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد. الفرنسية أكثر؟ الفرنسية أكثر، نعم، ولكن يبقى الشيء بالعربية. نعم، نفس العربية فيه الإخوة يعني لا يريدون العربية. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Les louanges sont à Allah, nous lui adressons donc les louanges et nous lui demandons de couvrir d'éloges et de saluer son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille, et l'ensemble de ses compagnons. Amma ba'd, fa ba'd, muqaddimat, imamikum wa shaykhikum, al-akh Ahmed, hafidhahullah ta'ala, nabda' ونشرع في هذا الموضوع الذي أعلنه جزاه الله خيرا بعد أن نستدرك شيئا أراه مهما وهو ما قام به من وصف فيما يتعلق بي وهذا من تواضعه بلا شك فذكر كلمة أو أطلق كلمة شيخ فأقول له زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبة وإنما أنا أخوكم وربما أكون ابنا لبعضكم وإنما نتعاون على البر والتقوى ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك. Le sujet que l'on va aborder aujourd'hui, c'est un sujet important qui vous a été annoncé par votre imam et cheikh, frère Ahmed, hafidhahu Allah ta'ala, et il vous a donc annoncé que le sujet, il concernait une question très importante, à savoir, qu'est-ce que la salafia ? Et afin de pouvoir aborder ce sujet de manière, de la manière la plus exhaustive qui soit, bien que ça ne soit qu'une présentation et un aperçu, on va essayer d'entrer directement dans le sujet après avoir pris la peine de revenir sur une qualification utilisée par notre frère Ahmed, et cela relève sans aucun doute de sa modestie et de son humilité. Naam, le fait qu'il ait utilisé le mot « cheikh », et donc je lui réponds, tu m'as qualifié de « cheikh » alors que je ne suis pas un « cheikh », car le « cheikh » c'est uniquement celui qui en vient à marcher péniblement. Et il n'y a pas de doute que c'était là de la modestie et de l'humilité de sa part. Quant à moi, je suis votre frère et je suis peut-être le fils de certains d'entre vous, Naam, et on ne fait que s'entraider dans la piété, la crainte pieuse d'Allah tabaraka wa ta'ala, et on se recommande mutuellement la vérité et on se recommande mutuellement le fait d'endurer sur la voie de cette dernière. فهذا الموضوع هو جواب على سؤال ما هي السلفية ونحاول أن نختصر وأحيلكم إلى هذه الرسالة القيمة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ما هي السلفية والكتب والرسائل المؤلفة في هذا الباب كثيرة أحيلكم إلى هذه وأحيلكم إلى بقية ما ألفه علماء الإسلام رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي بعد أن جاء بخطبة الحاجة قال الشيخ حفظه الله تعالى أيها الإخوة كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية وعماية من شرك وظلم وغواية فبعث الله سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفلح فجاء معه الحق وزهق الباطل جاء معه الهدى جاءت معه الحياة جاء معه العدل ومحى الله به الشرك أرسله الله جل في علاه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بشيرا لمن آمن به ونذيرا لمن عصى وصد عن سنته ففرق الله به بين الحق والباطل. قال الله جل في علا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. روى الإمام البخاري في الصحيح عن عطاء بن السائب رحمه الله أنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، لكن يعفو ويغفر، ولن يقبده الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. Afin donc d'aborder ce sujet, on va essayer et tenter d'aborder les passages importants de ce livre composé par le Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari. En guise de réponse à cette question, qu'est-ce que la salafie ? Sachant que les livres écrits dans ce sujet sont nombreux, et je vous renvoie donc vers ces livres, notamment ce livre-là, pour quiconque voudrait en connaître un peu plus les différents développements apportés par le Cheikh Hafizahullah. Après l'introduction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de prononcer durant les occasions importantes, le Cheikh a dit: chers frères, avant la voix de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens étaient dans l'ignorance et le polythéisme, tandis que l'injustice et l'égarement les aveuglaient. Allah envoya donc le maître des créatures Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans une période dépourvue. Donc c'est une expression ici, na'am, qui désigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans une période dépourvue de messagers pour qu'il redresse la communauté déviante, c'est-à-dire la communauté des Arabes. Elle était déviante du fait de ceux qui étaient venus l'entacher comme adoration des idoles. Elle a donc été appelée la communauté déviante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour la redresser, afin qu'ils disent la ilaha illallah et qu'ils réussissent. Il est donc venu sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité et l'annihilation du faux. Il est venu avec la guidée. Il est venu avec la justice. Par lui, Allah a anéanti le polythéisme. Il l'envoya par miséricorde pour l'univers. Il l'envoya en tant qu'annonciateur et avertisseur. Annonciateur pour quiconque croirait en lui et avertisseur envers quiconque lui désobéirait et obstruerait sa voie. Ainsi par lui, Allah tabaraka wa ta'ala a fait se distinguer le vrai du faux. Il a d'ailleurs dit, Azza wa Jal, dans la traduction approximative du sens de sa parole: ô gens du livre, notre messager vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il les guide vers un chemin droit. Il faut savoir que la lumière qui est visée ici, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été expliqué par un certain nombre de ulama, y compris l'imam, l'érudit Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari, l'imam des exégètes, qui a dit: il vise par cette lumière Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par qui Allah a illuminé la vérité, fait apparaître l'islam et anéanti le polythéisme. Il est donc une lumière pour celui qui aura cherché à s'éclairer par lui. Et c'est par son biais qu'Allah a éclairci la vérité. On retrouve dans le recueil de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, un récit très important. D'après Atta ibn Sa'ib qui a dit, j'ai rencontré Abdullah ibn Amr ibn al-As et je lui ai dit, informe-moi au sujet de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah. Il répondit, d'accord, il est certes décrit dans la Torah par certaines de ses caractéristiques citées dans le Coran. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur et avertisseur, et refuge pour les illettrés. Tu es mon serviteur et mon messager. Je t'ai appelé Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil, c'est un des noms du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mutawakkil, c'est celui qui s'en remet en Allah tabaraka wa ta'ala et qui place sa confiance en lui. Abdullah ibn Amr ibn al-As continue en disant, il n'est ni dur ni rude, ni crieur dans les marchés, et il ne répond pas au mal par le mal, mais il absout et pardonne, et Allah ne prendra pas son âme avant qu'il n'ait par son biais établi, c'est-à-dire redressé la communauté déviante, qui dira la ilaha illallah, et par qui il ouvrira des yeux aveugles, des oreilles sourdes et des cœurs scellés. La communauté déviante, c'est la communauté des Arabes qui avaient été touchés par l'adoration des idoles, ce qui l'a fait dévier de la voie droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu afin de rétablir cette voie-là et de cette communauté-là et afin de la redresser. ومما يشهد لي هذا ما رواه الإمام الترمذي في الجامع والشمائل والإمام ابن ماجه في السنن بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. Et parmi ce qui va dans le sens de ce qui a précédé, ce qui a été recueilli par At-Tirmidhi dans son Jami' ainsi que dans Al-Shama'il, ainsi que par Ibn Majah dans ses Sunan, avec une chaîne de transmission authentique, selon Anas, qui a dit, le jour au cours duquel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, toute chose s'y illumina. Tandis que le jour de sa mort, tout s'y est assombri. Et lorsque nos mains ont quitté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions en train de l'enterrer, nous nous mîmes à réprouver nos cœurs. Cette expression, le fait que les compagnons aient réprouvé leur cœur, exprime le sentiment de détresse dû à la perte du messager d'Allah sallallahu alayhi وسلم ومما جاء في هذا الباب وذكره الشيخ في هذه المقدمة النفيسة ما رواه الإمام البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا قال إن شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن قال صلى الله عليه وسلم كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها لذا كان الإمام الحسن البصري رحمه الله إذا روى هذا الحديث يبكي وقال بكى وقال يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. Parmi ce qui a été rapporté également dans ce sujet-là, et qui a été mentionné par l'auteur dans cette introduction bénéfique, ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique d'après Jabir, qui a raconté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de se tenir le jour du vendredi auprès d'un arbre ou d'un palmier, c'est-à-dire afin de dispenser le serment du vendredi. Un jour, une femme, parmi les auxiliaires, c'est-à-dire les ansars, ce sont ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui avaient émigré de la Mecque jusqu'à Médine. Al-Ansar, les auxiliaires, c'était les croyants médinois qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui ont émigré de la Mecque jusqu'à Médine. Une femme parmi eux, au moins que ce ne soit un homme, l'hésitation vient du rapporteur, lui a un jour dit, ne te confectionnerons-nous pas une chaire? C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il se tenait auprès d'un arbre, d'un palmier. Il lui a été dit, ne veux-tu pas qu'on te confectionne une chaire afin qu'il puisse se tenir dessus et que ce soit plus confortable? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, si vous le souhaitez. Ils s'exécutèrent. Et lorsque vint le jour du vendredi, il fut orienté vers elle. C'est alors que le palmier poussa le cri d'un nouveau-né. Il descendit donc et le serra contre lui. Il poussa alors le gémissement d'un enfant que l'on est en train de bercer. Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du palmier, il pleurait à cause du rappel qu'il entendait auprès de lui. Et c'est pour cela que l'imam al-Hassan al-Basri, et vous le connaissez certainement, il fait partie des éminents savants, des grands imams de la deuxième génération de l'islam, la génération des disciples des compagnons, la génération des tabi'in, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il pleurait lorsqu'il rapportait ce hadith et qu'il le mentionnait et il disait aux musulmans, s'adressait donc aux musulmans de son époque, et ce message nous est à plus forte raison adressé. Il disait aux musulmans, un morceau de bois, en faisant allusion ici à cet arbre, à ce palmier, un morceau de bois soupire par désir de rencontrer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à vous, vous devriez encore plus désirer cela. Thumma qala al-shaykh al-mu'allif حفظه الله وبعد هذا التمهيد فالمحاضرة كما سمعتم عنوانها واسع وهو ما هي السلفية ولما كان المقام والوقت لا يتسع لتناول الموضوع من كل جوانبه اخترت جملة من النقاط للكلام عليها النقطة الأولى بيان معنى السلف في اللغة النقطة الثانية من هم السلف اصطلاحا الثالثة بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح الرابعة حكم اتباع والانتساب إلى السلفية الخامسة فضل اتباع السلف والسلفية السادسة سمات ومعالم المنهج السلفي أو السلفية السابعة الخاتمة وفيها كلمات مضيئة في الباب. Suite à cela, le cheikh, l'auteur a dit après ce préambule, le sujet de cette conférence, comme vous l'avez entendu, est vaste. Qu'est-ce que la salafia? Cependant, étant donné que ni le temps ni la situation ne nous permettent de traiter le sujet dans tous ses détails, j'ai sélectionné un certain nombre de points pour ensuite vous les exposer. Le premier, le sens linguistique du mot salaf. Le second, qui sont les salafs dans la terminologie religieuse. Troisièmement, certaines appellations religieuses attribuées aux salafs. Quatrièmement, chapitre relatif à la valeur religieuse du suivi et de l'affiliation à la salafie. Cinquièmement, chapitre relatif au mérite qui réside dans le fait de suivre les salafs et la salafie. Sixièmement, quelques signes distinctifs de la voie de la salafie. Et enfin, une conclusion qui contient certaines paroles éblouissantes relatives au sujet. Et le Shir a eu l'occasion d'y faire mention de certains récits rapportés de nos pieux prédécesseurs. رحمهم الله. فالنقطة الأولى بيان معنى السلفية في اللغة. يقول الشيخ السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق. لذا فلفظة السلف في اللغة تعني المتقدم والسابق، وهي جمع سالف، ويجمع على أسلاف وسلوف وسلاف، وتطلق على كل متقدم وسابق لك من قرابة ونحوها. ومنه قول الله جل في علا: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: السلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. ومنه قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما تقدم من فعلكم فذلك متجافى عنه. فالاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل، ولهذا يقال لفلان سلف كريم، أي آباء متقدمون، قاله الراغب الأصفهاني رحمه الله في المفردات، وخصه الحافظ ابن الأثير والعلامة ابن منظور بالمتقدم والسابق في السن والفضل، يعني زادوا هذا القيد في السن والفضل. قال ابن منظور رحمه الله: والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل، ولذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. ومما يدل على هذا المعنى ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث فيه قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ابنته فاطمة رضي الله عنها فبكت. استمعوا إلى هذه القصة العجيبة: فلما رأى جزعها سارها مرة أخرى، نعم جزعها نعم، فلما رأى جزعها سارها مرة أخرى فضحكت رضي الله عنها، فسألتها عائشة فلم تخبرها. يعني عائشة سألت فاطمة عن موضوع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم تخبرها، فاطمة لم تخبر عائشة رضي الله عنها. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها مرة أخرى فأجابتها فاطمة رضي الله عنها بقولها: أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وأنه عارضه الآن مرتين، وقال لها: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحك الذي رأيت. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم شارحا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه نعم السلف أنا لك، قال: السلف المتقدم، ومعناه أنه متقدم أنا، عفوا، ومعناه أنا متقدم قدامك فتردين علي. هذا هو المعنى اللغوي. أي صحيح، هنا كتبوا يعني نصبوه، نعم في كل سنة مرة، نعم خطأ، نعم. خطأ صحيح، هذا مجرور، نعم Dans cette introduction ou dans ce premier chapitre, le cheikh Abdullah al-Bukhari a expliqué le sens linguistique du terme salaf. Et il a dit que les lettres sin, lam et fa, la âme qui compose donc ce terme-là, ils constituent la racine de termes indiquant une notion de devancement. Le terme salaf en langue arabe désigne donc ou signifie celui qui devance, et il fait partie avec les termes Aslaf, Soulouf et Soulaf des pluriels du mot Salif, qui est utilisé pour indiquer quiconque te devancerait parmi tes proches ou autres. Et c'est dans ce sens que l'on trouve dans le Coran qu'Allah dit فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Nous fîmes d'eux un antécédent, salaf, ou des antécédents, salaf. Tu retrouves ici donc cette notion de devancement. Et un exemple pour la postérité, c'est-à-dire ceux qui devaient venir après eux. Et le shir de citer dans ce sens-là une parole de l'imam al-Barawi qui insiste sur ce point-là. Et dans ce sens, nous trouvons également la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم jusqu'au verset وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. Dans ce verset donc de sourate An-Nisa, Allah tabaraka wa ta'ala fait état de l'interdiction relative aux mères, filles et sœurs. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs jusqu'à la fin du verset où il dit et que vous réunissiez deux sœurs, c'est-à-dire par le mariage, exception faite pour ce qui est passé. Et le terme utilisé ici pour exprimer ce sens, c'est le terme salaf. Illa ma qad salaf. C'est-à-dire que l'exception ici, elle est faite comme l'a expliqué le shir. Concernant ce qui a eu lieu avant cela. Mais cela ne signifie en rien la permission de l'acte. Puis le shir a cité certaines paroles de ulama, notamment les linguistes Raghib al-Asfahani dans son livre Al-Mufradat, de même que Ibn al-Athir dans son livre Gharib al-Hadith, ainsi que Ibn Mandour, qui est un des grands linguistes arabes et qui est l'auteur du célèbre livre Lisan al-Arab, qui ont précisé que ce qui est voulu ici, en plus de cette notion de devancement, c'est le fait que ce devancement ait lieu ou soit effectif en matière d'âge ou de mérite. Ibn Mandour a dit, les salafs sont ceux qui t'ont précédé parmi tes aïeux et tes proches qui te devancent en âge ou en mérite. C'est pour cela que la première génération de ceux qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été appelés les salaf salih, les pieux prédécesseurs. Donc ici tu retiens cette précision-là, cette notion de devancement en âge ou en mérite. Et pour appuyer cela, le Cheikh Abdullah hafidhahullah ta'ala a fait mention d'un hadith accompagné d'un récit qui le précède et qui a été recueilli par Al-Bukhari et Muslim dans leur recueil authentique respectif, selon Aisha radiallahu anha, qui a relaté le fait qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam confia quelque chose à l'oreille de sa fille Fatima radiallahu anha, et c'est alors qu'elle se mit à pleurer. Lorsqu'il la vit et se rendit compte de sa tristesse, il lui révéla à nouveau quelque chose. Il lui a confié autre chose dans l'oreille. Et cette fois-ci, elle se mit à rire. Radiallahu anha. Aïcha la questionna donc, mais elle ne lui dévoila rien. C'est-à-dire, Aïcha a questionné Fatima quant au sujet de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui avait confié à l'oreille. Mais Aïcha ne lui a rien dit. Puis plus tard, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mouru, elle la questionna à nouveau. Elle lui répondit alors, quant à la première fois qu'il m'a parlé, il m'a informé que Jibril lui lisait chaque année le Coran une fois, et que cette fois-ci, il lui avait lu à deux reprises. Et il m'a dit, à mon avis, ma fin est proche. C'est-à-dire, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit à sa fille Fatima, à mon avis, ma fin est proche. Crains donc Allah et patiente et endure, car quel bon salaf je suis pour toi. Il a utilisé donc ici le terme salaf. Quel bon aïeux, quel bon ancêtre. Quel bon prédécesseur je suis pour toi. Et on va voir l'explication de cela à travers ce qu'en a dit l'érudit An-Nawawi, rahimahullah. Aïcha, ou plutôt Fatima, de continuer en disant, j'ai donc pleuré comme tu l'as vu. Puis, lorsqu'il vit ma tristesse, il me révéla une seconde chose en me disant, ô Fatima, n'acceptes-tu pas d'être la reine des femmes des croyants ou des femmes de cette communauté? J'ai alors ri, comme tu l'as vu. L'érudit An-Nawawi a dit en commentaire de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel bon salaf, je suis pour toi. Dans son commentaire du recueil authentique de l'imam Muslim, il a dit le salaf, c'est le prédécesseur, celui qui est venu avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc voulu dire à sa fille, je suis avant toi et ainsi tu me reviens. Et à partir de là, de ce bref exposé, le sens linguistique du terme salaf est établi et assimilé. بإذن الله. وأما النقطة الثانية قال الشيخ من هم السلف اصطلاحا ثم قال مضى معنا أن السلف في اللغة من تقدمك وسبقك في السن والفضل وهنا نعرج على تحديد هذه اللفظة من حيث الاصطلاح قال الله جل وعلا في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Suite à cela, le cheikh a abordé le second chapitre qui est la réponse à la question qui sont les salafs en termes religieux. Et il a commencé à citer certains textes qui nous permettent de déterminer qui sont les salafs aux yeux de la religion, dans le langage religieux. Et il a fait mention du verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Les tout premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont suivis de bonne manière, c'est-à-dire dans l'excellence, Allah les agrée et il l'agrée. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. » Et dans le Sahihayn d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, annahu qal, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u aqwamun, tasbiqu shahadatu ahadihim, yaminahu wa yaminuhu shahadatah. واللفظ للبخاري ثم ذكر لفظا للإمام مسلم رحمه الله تعالى وفي الباب أحاديث عدة فالآية التي مضت من سورة التوبة وما جاء من الأحاديث تدل على خيرية الصحابة رضي الله عنهم وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما لا شك فيه ولا ريب أنهم السلف المتقدم علينا في الفضل والعلم والإيمان. Après avoir mentionné le verset dont vous avez entendu la traduction approximative du sens, le cheikh a fait mention d'un hadith recueilli dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, qui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs des gens sont celles de ma génération » puis celles qui les suivent, puis celles qui les suivent. Viendront ensuite des gens dont le témoignage précédera le serment, et dont le serment précédera le témoignage. Et les termes mentionnés ici sont ceux de l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique. Suite à cela, il a fait mention également d'une version de ce hadith présente dans le recueil de l'imam Muslim. Puis il a dit, les paroles prophétiques dans ce sens sont nombreuses. Elles prouvent ainsi que les versets qui ont précédé, notamment le verset de la sourate Tawba, la supériorité des compagnons, qu'Allah les agrée, et qu'ils sont les meilleurs des membres de cette communauté, après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'ils sont nos salafs, c'est-à-dire nos prédécesseurs, nous précédant dans le mérite, la science et la foi. Lakin, ha huna su'alun muhim, wa huwa, hal at-tahdid az-zamani الوارد في حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الأحاديث كاف في تحديد معنى السلف اصطلاحا بمعنى آخر هل كل من عاش في ذلكم العصر المبارك يكفي أن يكون من السلف الصالح الذين يقتدى بهم الجواب لا قطعا لأن السبق الزمني ليس كافيا في تعيين السلف، إذ لا بد أن يضاف إلى هذا قيد مهم، وهو موافقته للكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا نجد أن أئمة السنة يقيدون هذا الاصطلاح فيقولون السلف الصالح، ليخرج بذلك السلف الطالح ممن كان في عصرهم ولم يكن على فهمهم ومن والهم ومنهاجهم. وكما يقال الواقع خير شاهد، فالقدرية خرجت بين أظهر جمع من الصحابة، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في البراءة منهم شهير مشهور، وهو أول حديث في صحيح مسلم. وكذلك خرجت الخوارج على علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وهم بين أظهر الصحابة، ولما ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه المناظرة الشهيرة المشهورة التي أخرجها الحاكم في المستدرك وغيره بإسناد صحيح، فكان مما قاله للخوارج استدلالا منه على ضلالهم، وانظروا ليس فيكم منهم، أي من الصحابة، أحد. ابن عباس لما ناظر هؤلاء الخوارج استدل على بطلان ما هم عليه بهذا الأمر، فقال لهم وانظروا ليس فيكم، أي ليس فيكم أيها الخوارج منهم، أي من الصحابة، أحد. وهذا كاف في بيان ضلالهم. إذن السبق الزمني ليس كافيا في أن يكون الرجل من السلف الصالح. وقد أخرج مسلم في مقدمة الصحيح عن علي بن شقيق رحمه الله أنه قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يشتم السلف. قلت يعني الشيخ عبد الله المؤلف حفظه الله يقول قلت والسلف في هذا المقام هم الصحابة لا غير رضي الله عنهم. وقد بين هذا الاصطلاح أعني السلفية عدد من العلماء، فمثلا ثم ذكر بعض ما أثر عن أئمة السنة في هذا المقام. Suite à cela, le cheikh a dit, cela dit, c'est-à-dire après avoir exposé et établi ce qui a précédé, une question importante se pose. Est-ce que la détermination de la durée dans les récits d'Ibn Mas'ud et de Aïcha et autres est suffisante pour délimiter la portée du mot salaf dans son acception, c'est-à-dire dans sa définition religieuse? Il fait référence ici au hadith rapporté entre autres par Ibn Mas'ud, que vous avez entendu précédemment. Le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a vanté les mérites des trois premières générations de l'islam. Et vous vous souvenez certainement du hadith, et certainement qu'à la base, vous le connaissiez déjà, barakallahu fikum. Donc la question, autrement dit, est-ce que tous ceux qui ont vécu à cette époque bénie font partie des salafs, font partie des prédécesseurs desquels on doit prendre exemple? Le cheikh de répondre à cette question de manière catégorique en disant non, et ce de manière catégorique. Pourquoi? Car il est obligatoire de rajouter une condition importante qui est la conformité avec ce qui est venu dans le livre et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est pour cela que tu vois que les imams de la sunna mentionnent cette condition, c'est-à-dire la conformité aux enseignements coraniques et aux enseignements de la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Et le shir de continuer en disant afin que ceux qui font partie des mauvais prédécesseurs ne soient pas pris en compte parmi ceux qui ont vécu à cette époque et n'ont ni pris en compte leur compréhension, c'est-à-dire la compréhension des pieux prédécesseurs, ni suivi leur voie. Et comme il est dit, la réalité est le meilleur témoin. Les qadariyya. Qadariyya, c'est un groupe qui se réclame de l'islam et qui s'est égaré dans le sujet du destin. Les Qadariya ne sont-ils pas apparus à l'époque d'un certain nombre de compagnons? Et le hadith d'Ibn Omar, lorsqu'il se désolidarisa d'eux, lorsqu'il s'est désavoué d'eux, est d'ailleurs connu. C'est même le premier récit que l'on trouve dans l'authentique de l'imam Muslim. Et les Khawarij se sont quant à eux révoltés contre Ali et d'autres parmi les compagnons. Les Khawarij, qui constituent un autre groupe égaré, se réclamant de l'islam, et qui sont apparus également à l'époque de certains des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de ce dernier, alayhi salatu wa salam. Ils se sont révoltés contre Ali et d'autres parmi les compagnons. Que l'agrément d'Allah soit sur eux, alors qu'ils vécurent parmi eux. Et lorsqu'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le cousin du prophète, alayhi salatu wa salam, débattit avec eux, comme cela est relaté entre autres dans le Mustadrak d'Al-Hakim, avec une chaîne de transmission authentique, il leur dit, afin de prouver leur égarement, c'est-à-dire Ibn Abbas, il est parti débattre avec les Khawarij afin de les ramener à la vérité. Et parmi les arguments qu'il a utilisés et qu'il a mis en avant, radiyallahu anhuma, le fait de leur avoir dit, regardez, il s'est adressé aux Khawarij, regardez, il n'y a parmi vous aucun parmi eux, aucun d'entre eux. Ils visaient par eux les compagnons. Et cela fut suffisant pour prouver leur égarement. Le simple fait que parmi ces Khawarij, il n'y avait aucun compagnon, fut suffisant pour prouver l'égarement de ces Khawarij. Le Cheikh de continue en disant, le simple fait de devancer dans le temps ne suffit donc pas pour que l'individu soit considéré comme un pieux prédécesseur. D'ailleurs, l'imam muslim a rapporté dans l'introduction de son recueil authentique, d'après Ali ibn Shaqiq, qu'il a entendu Abdullah ibn Mubarak dire en s'adressant ouvertement aux gens, délaissez ce que rapporte Amr ibn Thabit, car il insulte les salafs. Car il insulte les salafs. Et le terme salaf dans ce contexte désigne nécessairement les compagnons. Suite à cela, le Cheikh a fait mention d'un certain nombre de paroles des imams de la sunna qui vont dans ce sens et qui clarifient encore plus ce qu'il a exposé ici. Et faute de temps, on ne peut pas faire mention de toutes ces paroles-là. Et je vous invite à retourner au livre en arabe. ومما ذكره حفظه الله تعالى كلام مهم لشيخه العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله وغفر له في كتابه العظيم الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة قال الشيخ محمد أمان رحمه الله عندما تطلق كلمة السلف إنما نعني بها من الناحية الاصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره فأخذوا منه هذا الدين مباشرة غضا طريا في أصوله وفروعه كما يدخل في هذا الاصطلاح التابعون لهم الذين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليهم الأمد أو قبل أن يطول عليه الأمد والذين شملتهم شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وثناؤه عليهم بأنهم خير الناس فذكر الحديث المتقدم كما يشمل الاصطلاح تابع التابعين إلى آخر ما ذكره الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى وأحيلكم إلى هذا الكلام النفيس رحم الله صاحبه. Donc le Cheikh, il a fait mention d'un certain nombre de paroles des imams de la Sunna qui clarifient un peu plus cela. Et parmi ce qu'il a mentionné, une parole qu'avait dite son Cheikh, le grand savant Mohammed Aman Al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre, الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة. Et je vous en lis une partie dans laquelle il a dit, rahimahullah, nous ne visons par le terme salaf lorsque nous l'utilisons que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui furent présents à son époque et qui prirent de lui cette religion directement, que ce soit ses fondements ou ses ramifications. De la même façon que ce terme inclut ceux qui les ont suivis et qui héritèrent sans tarder de leur science et qui furent concernés par l'attestation du messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses éloges lorsqu'il dit les meilleurs gens, comme on l'a vu précédemment dans le hadith d'Ibn Mas'ud. Puis il cita le hadith que nous avons déjà mentionné. Puis il continua en disant, ce terme comprend également les suiveurs de ces derniers. Et c'est à ce moment-là donc qu'il a clarifié que le terme salaf, il vise ces trois générations, ces trois générations-là. Et je vous invite à revenir à cette parole bénéfique du Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, soit dans ce livre-là, soit dans son livre As-Sifat Al-Ilahiyya, qui compte parmi les trésors qu'a laissé en héritage ce noble Cheikh, qui a légué son existence pour l'islam et les musulmans, pour le fait d'exposer la sunna et le fait de la défendre, et également dans le combat et la lutte qu'il mena face à l'innovation et à ses partisans. Et Allah nous préserve de leurs maux et de leurs déviances. Wa ba'da dhalik, wa ihna namur ala ani hadhihi an-niqat, wa narju an yakuna hadha al-murur ani murur al-kiram wa laysa murur al-li'am. والله المستعان. فالنقطة الثالثة ذكر بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح. قال الشيخ: الناظر في كلام عدد من أهل العلم يجد أنهم استخدموا أسماء أخرى دلالتها هي دلالة هذا الاسم الشريف، ولا يفهم من هذا وجود تباين فيما بينها، بل كلها متفقة دلالتها تماما، وهذه الإطلاقات كلها منبثقة من نصوص دلت عليها، فمن تلك المسميات أهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والغرباء. فأما التسمية بأهل السنة والجماعة فيقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله: إذا بلغك عن رجل من مشرق صاحب السنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى. Troisième des points, et comme on l'a dit, on essaie d'avoir un aperçu du contenu de chaque chapitre de ce livre-là, et on essaie de passer donc sur ces différents chapitres en espérant que ce passage-là soit, comme on dit en arabe, le passage des braves ou des nobles, et non pas le passage de ceux qui sont l'objet de reproches, et qu'Allah nous aide dans cela. Le troisième des chapitres, il concerne la mention de certaines appellations religieuses désignant les pieux prédécesseurs. Le cheikh y a dit: celui qui se propose à parcourir les paroles des gens de science se rendra compte qu'ils ont utilisé d'autres appellations dont la portée est identique à celle de ce noble nom, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. Et il ne faut surtout pas comprendre de cela qu'il y ait une quelconque divergence entre eux, c'est-à-dire entre ces différentes appellations. Et ces appellations sont toutes issues de textes qui en font mention. Parmi ces appellations, les adeptes de la Sunna et du groupe uni sur la vérité, Également les adeptes du hadith, les adeptes du athar, sachant que le athar ici est synonyme de hadith. Il peut avoir un sens qui est autre, mais ici il est synonyme du terme hadith. Également le groupe sauvé et la faction secourue, ainsi que les étrangers. Concernant la rappellation par les adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité, l'imam Soufiane Thawri a dit, lorsque tu entends parler d'un adepte de la sunna en Orient et d'un autre en Occident, fais-leur parvenir ton salam et invoque en leur faveur, car il n'y a pas plus rare que les adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité. Donc tu retrouves ici, dans cette parole de l'imam Soufiane Thawri, l'utilisation de cette appellation-là. Et je vous invite, barakallahu fikum, à prêter attention à ces différentes paroles et à ces différents récits rapportés de nos pieux prédécesseurs. D'une part, concernant directement le sujet, mais également les sens qu'ils peuvent contenir et les recommandations imminentes que ces différentes paroles peuvent contenir. Rends-toi compte ici de cette recommandation de cet imam qui dit, lorsque tu entends parler d'un adepte de la sunna en Orient et d'un autre en Occident, fais-leur parvenir ton salam et invoque en leur faveur, car il n'y a pas plus rare que les adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité. Et suite à cela, le cheikh Abdallah hafidhahullah a fait mention d'un certain nombre de paroles de l'imam Ibn Taymiyyah. Et j'étais sur le point de ne pas les mentionner, mais elles sont tellement belles que ma'alish. Qala al-Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah fi l'istiqama wal-bid'atu maqrunatun bil-furqa kama anna sunnata maqrunatun bil-jama'a fa yuqal ahlus sunnati wal-jama'a kama yuqal ahlul bid'ati wal-furqa. Wa qala rahimahullah fi mawdi'in akhar كما في المجموع معرفا أهل السنة قال هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا وهذا مهم خاصة في هذا الزمان الذي شغب فيه كثير من المشغبين على أهل السنة السلفيين. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومذهب أهل السنة والجماعة قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة. هذا كلام مهم يجب علينا أن نفهمه فهما جيدا. Également donc parmi ce qui va dans ce sens, ce que l'imam Ibn Taymiyyah al-Harrani a dit dans son livre l'Istiqama, la sunna est liée à l'unité, tout comme l'innovation est liée à la dissension, à la division. Ainsi on dit les adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité. Donc la sunna, barakallahu fik, et le fait de s'y cramponner est synonyme d'union sur la vérité. Et le cheikh de l'islam de continue en disant, et les partisans, et on dit les partisans de l'innovation et de la division. Car l'innovation dans la religion mène nécessairement à la dissension et à la division. Il a dit dans un autre passage, comme dans Al-Majmou', en définissant les adeptes de la sunna, il a dit ce sont ceux qui sont accrochés, cramponnés à ce qui a été exposé dans le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et à ce sur quoi se sont accordés les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. Et il a également dit, et sois attentif à ce discours, quelque chose que nous devons bien comprendre et assimiler, surtout à notre époque à laquelle ou dans laquelle les éléments perturbateurs sont nombreux. Il a dit la voix des adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité est ancienne. Pas quelque chose de nouveau. Elle est ancienne. Et était connue avant même qu'Allah ne crée Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmed. Car c'est la voix des compagnons, qu'Allah les agrée, qui l'ont pris de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui déroge à cela, quant à celui qui contredit cela, il est innovateur auprès des adeptes de la sunna. ثم ذكر الشيخ بعض ما جاء عن تسميتهم بأهل الحديث وأهل الأثر وقال فهي موجودة كما قلت في كلام العلماء كالإمام أحمد والبخاري وغيرهما وذكر شيئا من الكلام في هذا الجانب وقال وقال الإمام أبو حاتم الرازي الحافظ من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر هذا كذلك احفظه بارك الله فيك وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث بسند صحيح عن أحمد بن سنان القطان أنه قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه إلى آخر ما ذكره الشيخ المؤلف حفظه الله تعالى. Quant à la rappellation par les adeptes du hadith ou les adeptes du athar, c'est une appellation qui se trouve, comme il l'a dit précédemment, dans les paroles des ulama, notamment l'imam Ahmed, al-Bukhari et d'autres. Et il a cité un certain nombre de récits rapportés des plus prédécesseurs allant dans ce sens. Et parmi ce qu'il a mentionné, la parole de l'imam Abu Hatim al-Razi, qui disait parmi les signes distinctifs des partisans de l'innovation, le fait de dénigrer les adeptes du athar. Retiens bien cet enseignement, barakallahu fik, et qu'il reste ancré en toi. Également, Al-Khatib a rapporté dans son livre Sharaf Ashab al-Hadith, avec une chaîne de transmission authentique, de Ahmed ibn Sinan al-Qattan, que ce dernier a dit, il n'est pas dans ce bas monde d'innovateurs sans qu'il ne déteste les adeptes du hadith. Car lorsque quelqu'un innove, la douceur du hadith est ôtée de son cœur. C'est-à-dire, elle est enlevée de son cœur qu'Allah nous en préserve. Et également, il a fait mention d'un certain nombre de paroles allant dans ce sens. « وَأَمَّا أَتَّسْمِيَ بِالْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ فَقَدْ وَرَذَ ذَلِكَ في الحديث الشهير حديث الافتراق وقبل أن يستغرب بعضكم أخبركم بأن الرواية التي ذكرها الشيخ هي رواية موجودة من الروايات والألفاظ التي جاءت أو جاء بها هذا الحديث المعروف حديث الافتراق ولا تستغربوا الشيخ يعني ذكره هنا وأخرجه في الهامش قال إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ثم قال تنظر دراسته مستوفى من رسالة الماجستير للأخ أحمد سردار المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم وهذه من مطبوعات الجامعة الإسلامية وهذا الحديث حديث مشهور شهير ثابت صحيح خلافا لمن أوهم تضعيفه وكذلك ورد في حديث معاوية رضي الله عنه الذي تقدم لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق الحديث ثم ذكر كلمات مضيئة لأعلام هذه الأمة ونكتفي بسرده هذا الحديث. Quant à la rappellation par le groupe sauvé et la faction secourue, cela a été rapporté dans le célèbre hadith de la division. Et comme je vous l'ai annoncé, je vous l'annonce à l'avance, ne soyez pas surpris de la version que vous allez entendre. Ça fait partie des versions de ce hadith et vous n'êtes pas sans savoir que certains hadiths ont différentes versions et qu'il peut y avoir des variantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les enfants d'Israël se sont divisés en 71 factions et ma communauté se divisera en 72. Toutes sont en enfer sauf une et c'est le groupe uni sur la vérité et dans la marge le cheikh a renvoyé vers un livre consacré à l'étude des enseignements d'ordre dogmatique contenus dans ce hadith. C'est une thèse de magistère en 3 volumes qu'il est opportun de consulter et vers laquelle il est intéressant de revenir. Après avoir mentionné ce hadith, le shir a dit, c'est un hadith qui est connu et reconnu, établi et authentique, contrairement aux dires de ceux qui ont prétendu sa faiblesse. Mention est faite également de cette appellation dans le hadith de Muawiyah qui a précédé, bien qu'on ne l'a pas mentionné aujourd'hui, il est mentionné dans la suite de la parole du Cheikh Mohamed Aman al-Jami que j'avais commencé à vous lire précédemment. Le hadith de Muawiyah qui a précédé ne cessera d'y avoir une faction de ma communauté secourue sur la vérité. Et suite à cela, le Cheikh a fait mention d'un certain nombre de paroles resplendissantes rapportées de nos pieux prédécesseurs que je m'abstiendrai de citer aujourd'hui du fait du manque de temps imparti. ثم قال حفظه الله تعالى وأما التسمية بالغرباء فلا يخفى على سني حديث الغرباء المشهور في الصحيح المشهور في الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين شارحا حديث الغربة والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء وأهل العلم في المؤمنين غرباء وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه وغربتهم هي الغربة الموحشة وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم فالغربة ثلاثة أنواع. Quant à leur appellation par les étrangers, il faut savoir qu'ils ont également été appelés comme étant les étrangers. Les pieux prédécesseurs ont été qualifiés d'étrangers. Et le célèbre hadith authentique des étrangers n'est inconnu d'aucun sunnite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé. Touba donc pour les étrangers. Touba c'est une manière, un terme utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de faire une bonne annonce aux étrangers ici. L'imam Soufiane al-Thawri disait, soyez bons avec les adeptes de la sunna car ils sont des étrangers. Ibn al-Qayyim disait en commentaire de ce hadith dans son livre Madarij al-Salikin, les croyants parmi les gens de l'islam sont étrangers, les gens de science parmi les croyants sont des étrangers, les gens de la sunna, les adeptes de la sunna parmi eux qui la distinguent des passions et innovations sont des étrangers, les gens de la sunna, les adeptes de la sunna parmi les gens de science qui distinguent la sunna des passions et innovations sont des étrangers. Et ceux qui y appellent, c'est-à-dire ceux qui appellent à la sunna authentique, véritable, épuré de toute passion trompeuse et de toute innovation, et endure le mal de ses opposants et les préjudices qu'il leur cause, sont encore plus étrangers, mais ce sont eux véritablement les partisans d'Allah Azza wa Jal. Donc aucune étrangeté ne les touche, et leur étrangeté n'est que relative à la majorité, à propos de qui Allah a dit: et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ceux-là sont donc les étrangers d'Allah, son messager et sa religion, et leur étrangeté les met à part, et ce, même s'ils sont connus et que les gens se retournent vers eux. Ainsi, l'étrangeté est de trois sortes. Et suite à cela, l'imam Ibn Qayyim a exposé ces trois sortes d'étrangeté, de غربة. فقال: فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل السنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها وأخبر عن الدين. معذرة. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله يصيرون غرباء، وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع لما جاء به وحده. Ainsi, l'étrangeté est de trois sortes. L'étrangeté des fidèles d'Allah, des adeptes de la sunna et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, des adeptes de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam au milieu de l'humanité. Et elle est celle dont les adeptes ont été loués par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a entre autres informé du fait que la religion avec laquelle il est venu sallallahu alayhi wa sallam a débuté étrangère, et qu'elle le redeviendra comme elle a commencé, et que ses adeptes deviennent étrangers. En outre, cette étrangeté peut survenir dans un endroit, une époque ou un peuple, alors qu'elle n'en touchera pas d'autres. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cependant, ceux qui se particularisent par cette étrangeté sont les véritables proches d'Allah, car ils n'ont pas désiré autre que lui, et ne se sont pas affiliés à autre qu'à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et n'ont pas appelé à autre que ce avec quoi ce dernier est venu. Et parmi les caractéristiques de ces étrangers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envié: le cramponnement à la sunna lorsque les gens s'en détournent, et le délaissement de ce que ces derniers ont innové, même si c'est ce qui est connu parmi eux, de même que la purification du tawhid. La purification du tawhid, ça signifie ici l'exclusivité du culte voué à Allah tabaraka wa ta'ala. Le tawhid, c'est l'affirmation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration. Et le fait de le purifier, ça signifie qu'on adore exclusivement Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'on épure cette adoration de toute forme de polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur, apparent ou caché, qu'Allah nous en préserve. Ibn al-Qayyim de continuer, qu'Allah lui fasse miséricorde, en disant: même si la plupart des gens le réprouvent, ainsi, c'est-à-dire parmi les caractéristiques de ces étrangers, ainsi que l'absence d'affiliation à autre qu'Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, ni cheikh, ni voix, ni école, ni groupe, en étant étranger, en y étant étranger au fait de s'affilier à Allah et à son messager. Plutôt ces étrangers se réclament d'Allah, et ce, en lui vouant exclusivement le culte, ainsi que de son messager sallallahu alayhi wa sallam, en ne suivant que ce avec quoi il est venu sallallahu alayhi wa sallam. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم إلى أن قال بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة والإسلام الحقيقي غريب جدا وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يد لك فيه به فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم فإن وراءكم أياما صبر الصابر فيهن كالقابض على الجمر إلى أن قال رحمه الله فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهما في كتابه وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليؤطن نفسه على ما سنذكره بعد الترجمة إن شاء الله تعالى. Ibn al-Qayyim a continué en disant « Mais l'islam auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons adhéraient est de nos jours encore plus étranger qu'à son apparition. Et ce, même si ses principes et grandes lignes sont visibles et reconnus. Car le vrai islam est on ne peut plus étrange. Et ses adeptes sont des étrangers parmi les gens. Et comment ne serait-il pas, et comment ne formerait-il pas un seul groupe peu nombreux étrangers parmi 72 groupes. Non, excusez-moi, je reprends parce que j'ai sauté un passage dans la traduction. Dans la description de ces étrangers, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit « Ceux-là sont ceux qui saisissent réellement la braise. » Allusion et référence est faite à un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui va être mentionné dans quelques instants, incha'Allah. Ceux-là sont ceux qui saisissent réellement la braise, alors que la plupart des gens, ou plutôt tous, autant qu'ils sont les critiques, ainsi à cause de leur étrangeté parmi la masse, ils les considèrent marginaux. C'est-à-dire les gens, ils considèrent ces étrangers comme étant des marginaux, innovateurs, ou encore dissidents à la grande majorité. Ibn al-Qayyim de continuer en disant, un peu plus loin, mais l'islam auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons adhéraient est de nos jours encore plus étranger qu'à son apparition. Et ce, même si ses principes et grandes lignes sont visibles et reconnus. Car le vrai islam, on ne peut plus étrange. Et ses adeptes sont des étrangers parmi les gens. Et comment ne serait-il pas, comment ne formerait-il pas un seul groupe, peu nombreux, étrangers parmi 72 groupes, dotés de partisans et bénéficiant de hauts postes et fonctions, dont les intérêts ne résident que dans la contradiction avec la législation qu'a apporté le messager, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, l'essence même de ce avec quoi il est venu, c'est-à-dire la réalité du message du prophète, alayhi salatu wassalam, contredit totalement les passions trompeuses et jouissances dans lesquelles il baigne, de même que les ambiguïtés et passions qui représentent pour eux le summum du mérite et le but suprême visé par leurs œuvres, ainsi que l'assouvissement de leurs désirs qui est leur objectif. Comment le croyant qui chemine vers Allah en cherchant à se conformer à son ordre ne serait pas étranger au milieu de ceux-là qui ne font que suivre leurs passions et obéir à leur avarice et qui sont tous, autant qu'ils sont, éblouis par leurs propres opinions. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonnez le convenable et réprouvez et condamnez le blâmable. Puis lorsque vous verrez que les gens suivent leur avarice ou obéissent à leur avarice et suivent leur passion et donnent prééminence à ce bas monde et que chacun est ébloui par sa propre opinion, et lorsque tu verras des situations dans lesquelles tu ne peux rien faire, alors préoccupe-toi de ta propre personne et méfie-toi du commun de ces gens-là, car il y aura après vous des périodes durant lesquelles l'endurance de celui qui en fera preuve sera comme celle de celui qui se saisit d'une braise, jusqu'à ce qu'il ait dit ainsi, c'est-à-dire Ibn al-Qayyim rahimahullah, ainsi, si le croyant à qui Allah a donné de la clairvoyance dans sa religion et une certaine compréhension de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de son livre, et à qui il a fait prendre conscience de ce sur quoi les gens sont réellement, comme passion, innovation, égarement et déviance et dérogation au droit chemin sur lequel était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, souhaitent emprunter cette voie, alors qu'il habitue son âme à affronter les choses suivantes. Celui qui veut cheminer sur la voie sur laquelle a cheminé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qu'il habitue son âme à affronter les choses suivantes. قال فليوطي نفسه على قطح الجهال واهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه. فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. Celui qui souhaite emprunter cette voie alors qu'il habitue son âme à affronter les choses suivantes. La critique et le dénigrement venant des ignorants et autres partisans de l'innovation, ainsi que le fait qu'il cherche à éloigner les gens de lui et à les mettre en garde contre lui, comme le faisaient avant eux, leur modèle et imam, leur ancêtre parmi les mécréants. Et si jamais il s'aventure, c'est-à-dire celui-là qui a cherché à se cramponner à la voie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la voie qu'a emprunté ses nobles compagnons ridwanullahi alayhim, si en plus de cela il s'aventure à les appeler à la voie qu'il suit et qu'il en vient à critiquer leur voie, c'est alors comme si c'était pour eux la fin du monde. Ils feront alors preuve d'une animosité sans pareil envers lui et ils lui tendront des pièges et rassembleront les cavaleries et infanteries de leurs leaders. Il est donc étranger dans sa religion du fait de la fausseté de leurs pratiques religieuses, étranger dans son attachement à la sunna du fait qu'ils sont attachés aux innovations, étranger dans sa croyance et dans sa conviction et dans son dogme du fait de la fausseté de leurs croyances et de leurs dogmes, étranger dans sa manière de prier du fait de la manière exécrable qu'ils ont de le faire, étranger dans la voie qu'ils suivent du fait de la fausseté des voies qu'ils suivent, étranger dans ce à quoi ils s'affinient du fait de la fausseté de ce à quoi eux ils s'affinient, étranger dans la manière qu'il a de se comporter avec eux du fait qu'il ne va pas dans le sens de ce qu'ils attendent de lui. En somme, il est étranger dans les affaires de sa religion et de sa vie terrestre. Il ne trouve parmi la masse aucune aide ni assistance. Il est un savant au milieu d'ignorants, un partisan de la sunna au milieu d'innovateurs. Il appelle à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors que ceux qui l'entourent appellent aux passions et innovations. Il ordonne le convenable et condamne le blâmable au milieu de gens pour qui le convenable est blâmable et le blâmable est devenu convenable. Et je vous invite à revenir à la fin des paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Madarij al-Salikin. والنقطة الرابعة حكم اتباع والانتساب إلى السلفية. قال الشيخ حفظه الله: أقول كل مسلم يستقبل القبلة ليصلي لله فرضا أم نفلا لا بد وأن يقرأها في فاتحة الكتاب، أعني سورة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، وفيها قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي يطلب من الله أن يهديه الصراط المستقيم. لكن ما هو هذا الصراط المستقيم الذي نطلب الله أن يهدينا إليه؟ الجواب: تقاربت عبارات أهل العلم في معناه، واختصره لك الإمام أبو العالية الرياحي رحمه الله. لقد أخرج الإمام ابن جرير الطبري، لقد أخرج الإمام ابن جرير في التفسير بسند حسن أن حمزة بن المغيرة قال: سألت أبا العالية عن قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر، قال: فأتيت الحسن يعني البصري فأخبرته بذلك يعني ما رأيك، فقال: صدق ونصح، يقصد أبا العالية الرياحي، صدق ونصح في جوابه المسدد. يقول الشيخ: تريد أن يهديك الله الصراط المستقيم، فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزم سنة أصحابه وطريقة أصحابه من بعده، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. ثم ذكر جملة من النقولات عن أئمة السنة في تقرير هذا المعنى. Le quatrième chapitre, il concerne la valeur religieuse du fait de suivre la salafia d'une part et du fait de s'y affilier du nôtre. Et je vais tenter ici de résumer l'exposé et le discours du Cheikh. Il a commencé ce chapitre en disant « Tout musulman s'orientant vers la Mecque pour prier Allah, lit dans ses prières, qu'elles soient obligatoires ou non, la sourate de la Fatiha. Parmi les versets constituant cette sourate, il y a la parole d'Allah « Ihdina sirat al-mustaqim »« Guide-nous sur la voie droite ». Ainsi, il demande à Allah de le guider à la voie droite. Mais quelle est cette voie droite à laquelle nous demandons à Allah de nous guider ou sur laquelle nous demandons à Allah de nous guider? La réponse, c'est que les explications qu'ont apportées les gens de science à ce verset sont relativement proches. Et Abul Aliya al-Riyahi nous les a résumées. Abul Aliya al-Riyahi qui compte parmi les savants des premières générations de cette communauté. En effet, l'imam Ibn Jarir a rapporté dans son exégèse avec une bonne chaîne de transmission fiable que Hamza ibn al-Mughira a dit « J'ai questionné Abu al-Aliya à propos de la parole d'Allah « Ihdina sirat al-mustaqim »« Guide-nous sur la voie droite » et il a répondu « C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons qui l'ont suivi, Abu Bakr et Omar. » Suite à cela, Hamza ibn al-Mughira a dit « Puis je suis allé voir al-Hassan, il vise par là al-Basri » et on l'a brièvement présenté précédemment. Puis je suis allé voir Al-Hassan et l'en ai informé. C'est-à-dire qu'il voulait son avis. Et Al-Hassan lui a répondu, il a dit vrai et t'as été de bons conseils. Dans la réponse qu'il t'a donnée. Le cheikh de dire suite à cela, donc si tu veux qu'Allah te guide sur la voie droite, cramponne-toi à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à celle de ses compagnons, à leur tête, les califes bien guidés, et en premier lieu, Abu Bakr et Omar. Puis le Cheikh s'est attelé, Jazahullahu Khaira, à exposer, à établir et à affirmer l'obligation du suivi de la voie des pieux prédécesseurs, et ce, en faisant mention d'un certain nombre de textes présents dans les livres des imams de la communauté. Il a fait mention de paroles d'Ibn al-Qayyim dans son livre Bada'i' al-Fawa'id, na'am, ainsi que dans I'lam al-Muwaqqi'in, et de paroles également de Ibn Qudama al-Maqdisi dans son livre intitulé Dham al-Ta'wil. Et il a donc exposé l'obligation du suivi de la voie des pieux prédécesseurs, l'obligation du fait de se conformer à leur voie et de s'en tenir à leur compréhension de la religion et à leur pratique. Et il a fait mention à la fin de deux textes très importants. L'un de l'imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi dans son livre Ar-Radd ala al-Jahmiyya, ainsi que d'une parole de l'imam Ibn Qudama dans le livret que je vous ai mentionné au préalable intitulé « Dham al-Ta'wil ». Et il a conclu en disant, et comme je l'ai dit, les preuves sont nombreuses qui te montrent, barakallahu fik, que le suivi de la voie des pieux prédécesseurs est quelque chose d'obligatoire qui relève d'un ordre venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ba'da ma athafana bihi al-shaykh min al-nuqulat al-muhimma fi hadha al-bab allati qarrara min khilalaha wujub ittiba' manhaj al-salaf qal وكما قلت الأدلة كثيرة ذكر كلمات أو كلمات مضيئة لعدد من أئمة السنة منهم ابن القيم في كتابه الفذ بدائع الفوائد وإعلام الموقعين وذكر كلاما لابن قدامة في ذم التأويل وكذلك كلاما للإمام الدارمي في رده على الجهمية ثم قال وكما قلت الأدلة كثيرة وأما الانتساب إليها فأقول قد علمت أيها الموفق أن اتباع سبيل المؤمنين من السلف الماضين واجب وعليه، فالانتساب إليهم شرف وعز لك. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ولو تأملت أيها المحب في وصايا الأئمة لوجدت أنهم يوصون باتباع ولزوم سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم، وينهون عن مجانبته. فمن ذلك قول الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. فإنه يسعك ما وسعهم. وقال أيضا يعني الأوزاعي: عليك بآثار السلف إن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي، وأنت منه على طريق مستقيم. وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم كالنجوم ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. وقال الإمام البربهاري في شرح السنة: والأساس الذي تبنى عليهم جماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة. ثم ذكر كلاما نفيسا وطويلا للشيخ العلامة زيد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى وغفر له، ترجعون إليه في كتابه الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية. وقد تبين لكم بارك الله فيكم وجوب الانتساب إلى مذهب السلف من خلال هذه النقولات عن علماء الإسلام. نختم بالترجمة. On termine donc بإذن الله avec ce passage, après que le cheikh ait exposé l'obligation du suivi de la voie des pieux prédécesseurs, il a exposé la valeur religieuse du fait de s'affilier à cette voie. Et il a dit: tu t'es certes rendu compte que leur suivi, c'est-à-dire le suivi des pieux prédécesseurs, est obligatoire et qu'il n'y a pas moyen d'y déroger. Le fait de s'y affilier est donc un honneur pour toi. L'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait à ce sujet: point de reproche à celui qui aura mis en évidence la voie des salafs et s'y sera affilié et référé. Il est même obligatoire d'accepter cela, et ce, selon l'accord unanime des ulama. Il est donc obligatoire d'accepter cela de sa part, et ce, selon l'accord unanime des ulama, car cette voie n'est que vérité. Le cheikh de continue en disant: et si tu observes attentivement, toi le bien guidé, les recommandations des imams, tu trouveras qu'ils recommandent le suivi de la voie des pieux prédécesseurs et qu'ils réprouvent le fait de s'en écarter. Parmi ces recommandations-là, ce que l'imam al-Awza'i, l'imam des gens du Sham, a dit: endure sur le chemin de la sunna et arrête-toi là où se sont arrêtés ceux qui t'ont précédé, et prononce-toi par ceux qu'ils se sont prononcés, et abstiens-toi dans ce au sujet de quoi ils se sont abstenus, et emprunte le chemin de tes pieux prédécesseurs, car ce qui leur convenait te convient également. Il a également dit, c'est-à-dire l'imam al-Awza'i, suit les traces des salaf. Et vous connaissez à présent le sens du terme salaf, les plus prédécesseurs. Même si les gens te rejettent, et méfie-toi des avis des hommes, et ce, même s'ils te les embénissent par la parole. Car lorsque l'affaire s'éclaircira, tu seras sur une voie de droiture. L'imam Abu Ismail al-Sabouni a dit dans son livre « Aqidat al-Salaf, Ashab al-Hadith » en faisant mention des plus prédécesseurs. Et ils suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons qui sont tels des étoiles. Plus loin il a dit « Et ils suivent également l'exemple des plus prédécesseurs parmi les imams de la religion et les ulama des musulmans. Et ils s'accrochent et se cramponnent à ce sur quoi ils étaient cramponnés comme religion forte et vérité et évidente. » Et je terminerai avec cette parole de l'imam Al-Barbahari dans son livre intitulé « Sharh Sunnah » lorsqu'il a dit « Et le fondement sur lequel on se base et le groupe uni sur la vérité qui n'est autre que qui ne correspond à autre que le groupe des compagnons du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont les adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité. Celui qui ne prend pas d'eux s'est donc égaré et a innové. Et toute innovation est un égarement. Et on n'aura pu aborder ici qu'une partie de ce livre-là. Et je vous invite donc à y revenir pour ceux qui en ont la possibilité. Il y avait notamment concernant ce chapitre-là une parole intéressante à citer du Cheikh Zayd Ibn Hadi al-Madkhani, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde son pardon. Et je vous invite à revenir vers son livre Al-Ajwiba al-Athariya an al-Masail al-Manhajiya. Et peut-être que nous aurons l'occasion le mois prochain, bi-iznillah, si Allah tabaraka wa ta'ala nous le permet, de terminer la lecture et la tentative de traduction du restant des chapitres de ce livre très instructif, notamment le chapitre concernant les grandes lignes et les fondements de la voie des pieux prédécesseurs, fondements que nous devons connaître et assimiler et mettre en application et auxquels nous devons impérativement rester fidèles, surtout à une époque où les troubles et les dissensions et les divergences et la division sont nombreux. As'alullah tabaraka wa ta'ala أن يغفر لنا ذنوبنا صرفنا في أمرنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا أن يرحمنا ويتوب علينا إلى هنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أشهد أن محمد رسول الله.